dans la prédication que Dieu m'a donnée de vous transmettre ce matin, il n'y a aucune personne qui est visée personnellement. Moi, ce qui vient me chercher le plus par-dessus tout, c'est la santé du corps. Et c'est vraiment ce qui est à la base de la prédication. Par contre, des fois, dans les mots, ça peut être confusant. Si vous avez le courage de dire « Hey, peux-tu clarifier? » Je vais le faire tout de suite, mais je ne vise personne. Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que j'ai dit? Que tu vas te viser, Gilles, que tu vas être à la cible. Geneviève? Ouais, fortuite et non, ben non, non. Mais sérieusement, ça va être un petit peu... Ça va nous exhorter. Compte tenu des événements qu'on vient de vivre parmi nous, c'est important qu'on analyse ça en tant qu'Église à la lumière de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de trouver des coupables, il s'agit que le corps soit renforcé, prêt pour la prochaine bataille, et non pas amoché tout de travers. Est-ce que vous comprenez bien les objectifs? C'est important qu'on clarifie ça tout de suite. Non, le texte m'a été imposé. Mais il colle avec la situation qu'on vit, vous allez le voir. On est rendu à la 26e prédication dans l'Évangile de Jean. Vous savez, on avance, je dis ça pour nos visiteurs, afin que vous ne soyez pas trop perdus. Je crois que Dieu a une partie pour vous là-dedans. Il y a une partie aussi pour nous. Les deux ensemble, ça devrait faire, ça va être pour la gloire de Christ. On est rendu à la 26e prédication, on est dans l'Évangile de Jean, on va au fur et à mesure, et on est dans le chapitre 6. Si on résume l'Évangile de Jean, très brièvement, c'est un évangile, l'Évangile de Jean, c'est un majestueux témoignage de Dieu, à travers l'apôtre Jean, bien sûr, pour démontrer hors de tout doute que Jésus, c'est son Fils unique, c'est le Fils de Dieu, c'est le Seigneur de l'univers, c'est loin. Vous savez, on dit Jésus-Christ, que ça veut dire Christ. Tout le monde est d'accord avec Roger? Ouin? Si je dis Messie, ça veut dire quoi? La même chose. OK? Messie, ça vient de Meshiaïa, je ne le dis pas bien en hébreu. Là. Ça vient de l'hébreu, ça veut dire ouin. David, quand il était ouin, il était messaillé, on peut dire ça de même, par le prophète Samuel, avec de l'huile, l'onction. Christ a été oint quand est-ce? On l'a vu dans l'Évangile de Jean. Lors de son baptême, Dieu l'a oint, hein? Déclaré du haut des cieux. Et c'était tellement clair que Jean-Baptiste a vu l'Esprit-Saint descendre sur lui et il l'a reconnu. Il dit, c'est lui. Ça, c'est un témoignage que Dieu donne au sujet de Jésus comme étant le Seigneur, le Messie. Loin, celui qui l'a appointé pour accomplir parfaitement le plan de salut. Seulement pour les Juifs, puis les païens, s'il en reste des miettes, ils n'auront. Non, pour toute l'humanité. À travers le peuple juif. Donc, on a eu toutes sortes de témoignages dans l'Évangile de Jean. Je résume rapidement. Jean l'a identifié. Hein, Jean le Baptiste, le plongeur, l'immergeur l'a identifié. Le témoignage direct de Dieu au baptême de Jésus. L'autorité de la parole de Jésus-Christ, quand Jésus parle, ça bouge autour de lui. On a eu un exemple quand il a chassé les vendeurs du temple, on a eu un autre avec Jean-Claude, quand il nous a parlé de Pierre qui dit, « Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que je sorte la barque. » Et une force irrésistible a saisi Pierre puis il a sorti de la barque. Quand il était hors de la barque, il y a eu un petit peu de problème, mais il a sorti de la barque. Pour un homme d'expérience comme Pierre, c'est un miracle sans précédent. Donc, l'autorité de la parole de Christ, quand il parle, les choses bougent autour de lui. Les miracles s'accomplissent. Les œuvres, les miracles, hein, on a vu plusieurs à date. Les Écritures et Moïse qui rendent témoignage de lui. Alors, on va trop aborder ça, mais ce matin, on va aller un petit peu plus loin, hein, peut-être un petit peu à ce niveau-là. Et les témoins oculaires, que sont les apôtres, que sont les disciples qui ont suivi Jésus tout le long de son ministère. Et il y a d'autres témoignages dans l'Évangile de Jean, je ne fais qu'un résumé ce matin. Plus récemment, avec Michel et Jean-Claude, on a vu dans l'étude du chapitre 6 que Dieu a un plan de croissance. J'utilise le terme à dessein, là, parce que c'est exactement ce qu'on vit dans le avec l'équipe pastorale élargie. Vous savez qu'on a une équipe pastorale élargie, qu'il y a des hommes qui se sont engagés, qui étaient déjà engagés dans l'Église, mais que les anciens ont reconnu pour avoir un exercer envers eux de la formation pour les préparer davantage au ministère que Dieu va nous montrer à travers chacun de ces hommes-là. Et là, hier, on avait justement une réunion et on parlait justement du plan de croissance dans la foi. Et ce qu'on a vu à travers le chapitre 6 jusqu'à date, c'est que Jésus a un plan de croissance pour les 12 dans leur foi. Vous vous rappelez, ils ont vu le miracle de la multiplication des pains, mais c'était pas suffisant. Jésus renvoie la foule, prend ses disciples et dit « Traversez, allez à Capernaum. » Puis il sait qu'il va y avoir une tempête sur le lac. En tout cas, du vent qui va souffler fort. Puis qu'ils vont en arracher, pour des hommes d'expérience comme eux autres qui étaient habitués à ce lac-là, là, ils en ont arraché à la quatrième veille de la nuit. Pas à la première, pas à la deuxième, pas à la troisième, à la dernière veille, le matin, de bonne heure. Les hommes sont épuisés de ramer, ça avance pas. Ceux qui ont fait du lac en canot ou en pendant un grand vent, vous savez ce que je veux dire. Ça bouge pas. Et le Seigneur va venir vers eux en marchant sur l'eau. Ils vont avoir peur de lui comme un fantôme. Et là, il va y avoir encore un autre miracle, plusieurs miracles. Là, Jésus marche sur les eaux, mais en même temps, un miracle où Pierre va sortir, va avancer sur l'eau, va commencer à s'enfoncer, mais il ne descendra pas au fond. Jésus va le saisir, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et la barque va accoster, le vent va avoir un grand calme, ils vont accoster. Et qu'est-ce qui va arriver après ça avec les 12? Qu'est-ce qu'ils vont faire? On le voit dans l'Évangile de Matthieu, c'est, ça a été la conclusion quasiment du message de Jean-Claude. Ils vont venir se prosterner devant lui, ils vont dire, tu es vraiment le Fils de Dieu. Jusqu'à ce moment-là, les disciples n'avaient pas compris ce que ça voulait dire. Et quand ils l'ont vu ce soir-là sur le lac, les 12 ont été fortifiés dans leur foi. Et vous savez pourquoi le Seigneur a fait ça? C'est pour ce qui s'en vient après. Parce que ça va brasser dans la prochaine, ce qu'on va voir ce matin. Ça va murmurer dans la foule. Ça va chialer. Ça ne chialera pas contre n'importe qui. C'est ce qu'on va voir ce matin. Je vous le dis tout de suite, on n'abordera pas l'aspect du pain de vie comme tel. Ça va être la semaine prochaine. Puis ça va bien tomber. C'est la Pâque un peu partout dans le monde. Fait que Jésus, c'est la Pâque, hein, c'est notre Pâque. Fait que cet aspect-là, on va l'aborder la semaine prochaine, mais pas cette semaine. Cette semaine, on va s'aborder principalement ce qui s'est passé dans la foule. Ça va? On va d'abord lire le texte, pour commencer. Il faut que je regarde mes notes des fois parce que j'en saute. Ce qu'on va voir ce matin, dans le fond, là, on va voir que pour séparer les croyants du mal et de ceux qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ, Jésus a préparé une épreuve particulière. Les 12 vont passer au travers, vont rester affermis, et les autres vont s'en aller. Fait que, on va lire le texte, on va le commenter à mesure, parce que c'est un long texte. On va commencer à l'Évangile de Jean, au chapitre 6 et au verset 22. Puis on ne lira pas d'une complètement, parce que je vais faire des sauts, parce que c'est un long chapitre, ce qui reste. Et j'ai d'autres textes à vous montrer. Par la grâce de Dieu, on va y arriver. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Là, on est après l'événement. Jésus est déjà rendu à Capernaum avec ses disciples. La foule s'en va à l'endroit où il y avait le miracle des pains sans levain, le miracle de la multiplication des pains. excusez. Et là, Jésus n'est plus là. Ils savaient que Jésus n'était pas monté dans la barque. Donc, ils avaient observé bien des choses. Le lendemain, comme d'autres barques, on parle du lendemain de la multiplication des pains, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Donc, une partie de la foule, la Bible dit pas que c'est toute la foule au complet, mais une partie de la foule est partie à Capernaum à sa recherche. Rappelez-vous cette foule-là, au verset 15, Jésus, sachant qu'il allait venir pour l'enlever, pour le faire roi, se retira de nouveau lui seul sur la montagne, puis a renvoyé la foule. Il n'a pas permis que ça se passe. Et c'est une foule de combien de personnes? Avec les femmes et enfants? 5 000 hommes et on double au moins pour les femmes. Puis les enfants, on est peut-être rendu une 15 000 de personnes. Avez-vous déjà parlé d'une foule de 15 000 personnes puis les faire obéir? J'ai de la misère dans ma propre maison à 5 personnes, à me faire écouter des fois. 5 000, là. 15 000, 10 000, c'est au-dessus de mes forces. Mais Jésus, c'est drôle, hein, ça marche avec lui. Encore une autre situation. Mais il n'y a pas eu de difficulté dans le sens que les gens sont partis. Mais le lendemain, ils reviennent, c'est cette même foule-là, une partie de cette foule-là qui court après Jésus. Les autres, là, ils veulent avoir ce Messie-là, là. Ben, c'est un bon Messie. On mange avec lui. Verset 25. L'ayant trouvé au-delà de la mer, donc rendu à Capernaum, ils lui dirent, vous allez voir, il y a 4 questions que la foule va lui poser. La première, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus prend le temps de leur expliquer, ben, regardez les gars. Je sais pas là, moi j'en ai profité pendant la nuit, je suis allé, j'ai vu que mes disciples avaient de la misère, puis j'ai pris le temps, j'ai embarqué j'ai marché sur l'eau. Demandé à Dieu, il a fait un miracle. C'est ça qu'il a dit? As-tu répondu à leur question? Il a répondu à la question derrière la question. Êtes-vous d'accord? Ça vous rappelle pas l'entretien avec Nicodème? Ah, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Si Dieu n'est avec lui. Nicodème, si tu n'es pas de nouveau, tu n'iras pas dans le royaume des cieux. Est-ce qu'il répond à sa question? Ou à sa en affirmation? Et c'est pas la première fois que Jésus fait ça. C'est pas la première fois. Parce qu'ici, là, Jésus va poursuivre un but, vous allez voir. Et si les gens n'obéissent pas à ce qu'il va leur dire, il va y avoir des conséquences. Première question. Fait que là, Jésus leur répond quelque chose qui ont de la difficulté peut-être à saisir. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Jésus? Moi, j'ai l'impression que c'est la même affaire. Ouais. Moi, j'ai l'impression des fois que c'est la même affaire que Jésus a répondu, mais non, il y a quelque chose dans l'affirmation qui est vraiment spécifique. Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu un miracle. En passant, la seule fois qu'il y a eu un miracle similaire dans toute l'histoire de la Bible, c'est quand Dieu a donné la manne à Israël. On ne parlait pas d'une foule de 5 000, plus ses enfants, 15 000. On parle d'une foule de 2.5 à 3 millions de personnes. Et ça a duré pendant 40 ans. Ça s'appelle? Et ça nourrissait très bien tout le peuple, à tous les jours. On va en parler de la manne tout à l'heure. Ici, le miracle est plus réduit. C'est juste 5 000 personnes. 5 000 hommes, plus les femmes et les enfants. C'est un petit miracle. Je vois pas beaucoup de différence entre les deux, là, parce que partir de 5 pains et 2 poissons pour arriver à autant de nourriture. Y a-tu qui ont déjà préparé un repas ici? Peut-être, Normand, t'es spécialiste là-dedans. As-tu déjà préparé un repas pour 5 000 hommes, plus les femmes et les enfants? C'est de l'organisation? Ça se fait en l'espace de quoi? Le temps de prier Dieu, puis ça marche? Hein? Quelques semaines. Les disciples, ils disent, on aurait 200 deniers, on pourrait pas nourrir ce monde-là. On pourrait pas aller acheter les pains et revenir avec assez pour qu'il y ait quelque chose, un peu à manger. Des semaines, hein? Normalement, c'est un... Il est là-dedans, là. On continue, verset 27. « Travaillez non pour la nourriture qui périt. » C'est toujours Jésus qui parle. Il dit à ces gens-là, qui le cherchent parce qu'ils ont mangé des pains, parce que c'est bien d'être avec Jésus, c'est bien moins dur pour la facture d'épicerie. « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, deuxième question de la foule, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? » Est-ce que c'est une question honnête? Une question honnête, très pertinente. Jésus va y répondre à cette question-là, mais ils n'aimeront pas la réponse. Et ça va aller en se dégradant. Jésus répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Est-ce que vous pensez que la foule comprend de qui il parle? C'est qui celui que Dieu a envoyé? C'est Jésus-Christ. Il parle de lui. Et c'est très clair. Regardez la question qu'ils m'ont posée, la troisième question. Quel miracle fais donc-tu? Hey, les boys, réveillez-vous. C'est quoi le miracle qu'il a fait la veille? Et quel miracle fais donc-tu? Lui dirent-il, afin que nous voyions, que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé de la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donna du pain du ciel à manger. Moi, je suis estomaqué. Ces gens-là ont été témoins d'un miracle, pas n'importe lequel. Plus petit que celui de la manne, si on veut comparer les miracles, mais aussi miracle miraculeux que la manne. Et ils disent à Jésus, quel miracle fais donc-tu? Jésus va répondre, et si Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Parce qu'eux autres, ils pensaient qu'ils avaient reçu le pain du ciel d'une façon complète. Et Jésus, ici, est en train de clarifier cette situation-là. Il n'a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Et là, ils ont vraiment soif. Faim. La bonne chose. Quatrième question. Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. C'est peut-être plus, on dirait, c'est une prière. C'est une forme de prière. Rappelez-vous quelqu'un qui a dit la même chose? La Samaritaine qu'on a vue précédemment. Donne-moi toujours de cette eau. Ça se tient tout l'évangile de Jean. Mais ici, vous allez voir là, ce que les gens, ce qui va arriver avec eux. Parce que Jésus savait ce qui était dans leur cœur. Il savait que ceux qui le suivaient actuellement n'étaient pas motivés par les bonnes choses. Fait que Jésus va continuer en disant, je suis le pain de vie. On va sauter cette chose-là parce que je ne veux pas entrer dans les explications du pain de vie. Mais le verset 36. Mais je vous l'ai dit et vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, etc. Jésus est en train de mettre le doigt sur le bobo. Votre foi n'est pas à la bonne place. Votre foi n'est pas à la bonne place. Et qu'est-ce que ça fait des disciples qui n'ont pas la foi avec des disciples qui ont la foi, d'après vous? Est-ce que c'est sain pour ceux qui ont la foi? Là, on parle d'un gros groupe de disciples versus 12 personnes. Vous allez le voir tout à l'heure. Gardez ça dans votre mémoire. Fait que là, on va autant ils ont voulu avoir ce que Jésus pouvait leur donner, hein, le pain du ciel, le vrai pain du ciel, hein, qui va donner la vie au monde, autant ils ne voudront pas avoir la réponse que Jésus va leur présenter. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la foi en lui. Fait qu'au verset 41, les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Et il disait « Hey, c'est pas Jésus, le fils de Joseph. Il est à Capernaum, c'est pas tellement loin de Nazareth. » Les gens connaissaient la famille de Jésus. Pour qu'ils disent ça, c'est parce qu'ils connaissaient d'où il venait. N'est-ce pas le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment dit-il, je suis descendu du ciel? Hey, ça marche pas, son affaire. Sa théologie marche pas, lui. Verset 52. Là, Jésus commence à être pas mal plus exigeant. Là, il va parler de manger son corps, boire son sang. Et là, c'est un... Pour un juif, là, c'est du cannibalisme pur et simple. Et ça, là, ça marche pas avec les traditions juives. Là-dessus, verset 52, les juifs disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger? » Là, Jésus va continuer à leur répondre, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, » Jésus continue, il en rajoute en plus. Non seulement il n'atténuait pas leur malaise, mais en plus, il persévère à ce que le... Bon, j'aime pas le bon mot, c'est pas le bon mot. Mais il continue à les mettre face à une vérité qu'ils ne comprennent absolument pas. Verset 59, ça nous dit où ça se passe. Ça se passe dans la synagogue. Vous savez, c'était quoi la synagogue? C'était l'église du temps pour les Juifs. C'était la bâtisse où ils se réunissaient. Ça a commencé par être des assemblées, mais c'est devenu des bâtiments après quelques mois d'opération. C'était vraiment un lieu physique dans lequel les Juifs se rencontraient. Il y a encore des synagogues parmi nous aujourd'hui, vous savez? Hein, vous avez déjà vu ça? Verset 60, et là on va lire de 60 à 71, on continue. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, hey, c'est vraiment des bonnes paroles, on continue avec lui, ça, c'est bien ce qu'il dit. Ça a quel effet sur eux? Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Qui peut l'écouter? Seulement l'entendre. Est-ce que Jésus a atténué la vérité pour eux? Absolument pas. Ils comprennent très bien. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples disaient des bonnes choses entre eux à son sujet, dit-les plus fort. Murmurait. Tenez ce mot-là. Murmurait. Ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, écoutez le mot qui est là. Cela vous scandalise-t-il? Veux-tu mettre la setup? On va regarder un petit peu le mot scandalisé, ce que ça veut dire. Dans le grec, là, c'est une translittération, c'est scandalizo, c'est un verbe. Donc, on l'a translittéré en français parce que c'est des phrases longues comme le bras pour le résumer. Scandalizo, là, je vais vous faire grâce du grec. Poser une pierre d'achoppement ou un obstacle dans le chemin sur lequel un autre peut trébucher et tomber. Sens métaphysique offensé. Descendre. C'est ça. Il y a un premier sens, attirer à pécher. Un deuxième sens, sous-sens, on veut dire. Faire qu'une personne commence à se méfier de quelqu'un en qui elle avait l'habitude de croire et d'obéir. C'est pas ça qui se passe ici. Scandalizo, là, quand vous dites à quelqu'un, tu me scandalises, ça peut vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire, tu m'incites à pécher. C'est une autre possibilité. Mais, tu m'incites à avoir une mauvaise opinion sur Gilles. Tu m'incites à avoir une mauvaise opinion sur les anciens. Tu m'incites à avoir une mauvaise opinion sur Rémi. Ou sur Geneviève. Sur Daniel. C'est tout. Scandalizo. Il faut pas jouer avec les mots, avec les écritures. Ça, c'est vraiment clair. C'est pas un passage à côté. On peut continuer. Être une occasion de chute, bien sûr. Comme on dit, en faisant ça, je peux être une occasion de chute. Être offensé au sujet de quelqu'un, c'est-à-dire voir dans un autre ce que je désapprouve, ce qui m'empêche de reconnaître son autorité. Ça, c'est vraiment ce qui se passe ici avec les disciples qui sont venus, qui ont vu le miracle de la multiplication des pains. Ils désapprouvent ce que Jésus dit. Maintenant, on peut se poser la question, qui sont-ils pour désapprouver ce que Jésus dit? Il y a un passage dans l'Épître aux Romains où l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, va poser une question à ceux qui questionnent Dieu. Ça vous arrive-tu des fois de questionner Dieu? Pourquoi Dieu a permis telle affaire? Hein? Pourquoi Dieu a permis que, bon, le Satan, il vienne tenter Ève dans le jardin? On a des réponses à ça? Il n'y a pas de réponse à ça. L'apôtre, dans l'Épître aux Romains, au chapitre... Faut que je retrouve, parce que là, c'est... Je devance mes notes. Chapitre 9, c'est possible, ouais. Je l'ai pourtant bien cherché. Ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, c'est l'homme, dira-t-il à celui qui l'a formé, Dieu? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Puis là, il parle si Dieu avait voulu créer des vases pour un usage vil versus des vases pour un usage noble. Qui es-tu pour dire à Dieu ce que tu fais? Tu n'as pas le droit de faire ça. Les gens ici sont en discussion avec Jésus, là, c'est exactement ce qu'ils font. Ils remettent en question ce qu'il vient de leur dire. À son sujet, et ce que Jésus dit à son sujet, c'est exactement la vérité de Dieu, aussi dure qu'elle peut être à entendre. Vous allez voir que les 12 n'ont pas plus compris que les autres. On continue notre texte dans Jean. Tu peux la laisser, on va la, pour un instant, la laisser là. Verset 61, Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? » Ça veut dire, il était auparavant, il était avec Dieu, il était Dieu. Il est toujours Dieu. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ils n'ont pas saisi celle-là. Mais ça explique le sens profond du passage qui a été dit précédemment. On va insister d'abord plus sur leur réaction. Mais il en est parmi vous, Jésus ici reflète la situation qui est déjà mentionnée précédemment, il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Il y a un ramassis de gens parmi vous qui ne croient pas, qui ne font pas confiance à Jésus-Christ. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui croyaient, qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous le dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, dès que Jésus a fini de parler, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Ils ont dit, « Toi, on n'a plus confiance en toi. » Quel était le but de Jésus quand il a commencé cette discussion-là avec les personnes? Que les gens tranchent. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, servez l'Éternel. Si c'est Baal ou Astarté, ben servez Baal et Astarté, mais clochez pas des deux pieds. C'est ça qu'il leur dit. Vous êtes-vous d'accord? Si je suis ce que je suis, vous n'avez pas le choix. Si vous ne voulez pas accepter ça, ben, choisissez. Jésus ici n'est pas en train d'atténuer la vérité, là. Il la déclare avec toute sa force. Aussi difficile qu'elle puisse être pour les personnes. Il sait très bien que ça va produire ça. Puis la raison pour laquelle Jésus fait ça, et là on arrive aux 12, dès ce moment, après, au verset 67, Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez pas vous aussi, vous en avez? Vous connaissez cette parole-là, hein? Simon-Pierre, celui qui était sorti de la barque, celui qui a, par qui le Seigneur a affermi la foi des autres quand il était sur l'eau. Seigneur, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous, tu as les paroles de la vie éternelle? Est-ce que Pierre est en train de déclarer qu'il a tout compris ce que Jésus a dit au sujet du pain de vie? D'après vous? Il n'a à peu près rien compris, puis d'ailleurs, d'autres actes plus tard qui vont se produire dans sa vie vont démontrer qu'il n'avait pas compris. Mais sa foi en Jésus était inébranlable, dans le sens, regarde, je ne peux pas aller à personne d'autre, tu as les paroles de la vie éternelle. À part Judas, parce qu'on a une déclaration sur Judas ici, tous les autres ont fait la même chose. Donc, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé les gens qui auraient pu éventuellement amener les 12 à murmurer contre lui. Vous êtes d'accord? Parce qu'il les avait laissés avec les douze auraient aussi murmuré. C'est ce qui va se passer dans le désert. Il y a une référence à la manne. Je vais être obligé de le résumer dans mes propres mots parce que le temps avance très rapidement. J'ai lu le texte, je vais essayer de vous le dire sans me tromper. Si vous allez lire la manne, l'histoire de la manne, là, premièrement, quelqu'un peut-il me dire ici quand est-ce que ça a commencé l'histoire de la manne? À quel moment précis la sortie d'Égypte s'est arrivée? C'est arrivé à la fin des 38 années ou au début? On va clarifier, là. On va dégrossir le problème. C'est arrivé au début. Quand au début? Quand ils sont partis de Ramsès en Égypte? Ou après? C'est arrivé le deuxième campement après la mer Rouge. Le premier campement, il n'y a pas de manne. Le deuxième, je pense que c'est Élim, la place. Là, les Israélites vont murmurer contre Moïse. Premier murmure. Après la sortie, après les miracles qui se sont passés en Égypte, ils viennent chialer après Moïse. C'est pour nous faire périr dans le désert que tu nous as menés ici. Imaginez-vous Moïse versus 3 millions de personnes. C'est lui qui avait porté le peuple jusque-là. Et c'est ça qu'ils disent à Moïse. Hein? Ta faute, Moïse! Puis là, Moïse est à la chaîne parce que, regarde, c'est vrai, là, il est tout seul. Dieu va lui donner 70 anciens pour l'aider pendant un certain temps, là, qui vont avoir l'Esprit de Dieu, puis ils vont prophétiser parmi le peuple. Il va donner des cailles. Une première fois, il va donner des cailles ici. Puis, le lendemain matin du chialage, il va donner à Israël la manne. Et ça, la manne, là, c'est l'épicerie gratis, gratos, pour toute la journée. Tu pouvais vivre avec ça. Tu avais tout ce qu'il fallait dans la manne. Écoutez bien. Petit miracle de rien du tout. Ça se produisait pendant 6 jours. Le sixième jour avant le sabbat, il y en avait 2 fois plus pour que le sabbat n'ait pas besoin de le ramasser. C'est extraordinaire. Plus que ça, si tu essayais d'en conserver pendant la semaine, tu ne mangeais pas toute la manne, le soir, tu essayais de conserver le petit reste pour la nuit, ça ne marchait pas, ça venait plein de verre, c'était infect. Mais le sixième jour, la manne était extraordinaire, elle durait 2 jours sans s'infecter. Ça a duré comme ça. Au départ, ça devait durer à peine une année parce ça a pris à peu près 14 mois pour arriver. Ils ont passé une année au Sinaï, là, puis 14 mois plus tard, après la traversée de la mer Rouge, ils étaient rendus à la terre promise. Là, ils ont refusé d'entrer dans la terre promise, vous vous rappelez de ça. Et là, la manne s'est étendue sur 38 ans ou 39 ans après, si on compte la première année. Jusqu'au jour où ils ont mangé les productions du pays, le jour où ils ont mangé les premières productions du pays de Canaan, de la terre promise, la manne s'arrête là. L'épicerie gratis s'est arrêtée là. C'est extraordinaire. Imagine-toi, là, Valérie, tu n'as plus besoin d'aller à IGA ou à une autre place. Ça serait dur pour Normand, peut-être, là. Mais on prendrait soin de lui d'une autre manière. Plus besoin d'aller faire l'épicerie, vous. Évidemment, ça demande de manger de la manne. 1 an après le début de la manne, on va aller regarder quelques versets dans Nombre 11. Puis là, je vais arrêter parce que je suis pas. La manne, on pourrait en parler longtemps. Nombre 11. Miracle extraordinaire, c'est à part de tous les autres miracles qui ont eu lieu, là, dont je ne vous ai pas les displays d'Égypte plus tout le reste. On va commencer au verset 1 du chapitre 11. Je vous le dis, là, on est à peine 1 an après le début de la manne, comme miracle. Regardez ce que le peuple va faire. Le peuple murmura, cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel étendit sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse, Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'est allumé parmi eux. Verset 4. Regardez ce qui se passe ici. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. On pourrait dire aujourd'hui dans notre jargon, les pensées du monde sont au milieu de nous, d'une manière ou d'une autre, par la télé, par les médias, par tout ce que vous voulez, par notre culture, et nous influencent, et nous amènent à mal penser. Dans ce temps-là, c'était physiquement des personnes, et la Bible les traite comme un ramassis de personnes. C'est le mot qui est utilisé. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même, ce qui n'a pas de bon sens, les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, « Il nous donnera de la viande à manger. Nous nous souvenons du temps qu'on n'était pas croyants. Des poissons que nous mangeions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. » La voix de Snoopy. Et qui nous coûtait rien, des cocombes, des melons, des poireaux, des oignons. Puis des hauts, je ne sais pas c'est quoi. Écoutez le verset 6. Le verset 6. Maintenant, dis ça à Dieu, là. Notre âme est desséchée. Plus rien, nos yeux ne voient que la manne. Là, il y a une explication sur la manne, je n'ai pas le temps de la faire avec vous, vous pourrez le lire. Dieu va leur donner de la viande, non pas un jour, non pas deux jours, il va leur en donner pendant 30 jours, jusqu'en temps qu'il y en soit là, vraiment écœuré. Et là, je vous dis, ils ne sont pas encore allés, la prochaine étape, c'est d'aller, ils vont envoyer les 12 espions en Canaan. Qu'est-ce qui va arriver en Canaan? Vont-ils rentrer dans la terre promise? L'Épître aux Hébreux nous dit, là, regarde, c'est à cause de leur incrédulité. Qu'est-ce qu'a fait le ramassis de gens au milieu d'Israël? Est-ce qu'ils ont prédisposé à écouter la parole de Dieu? À servir Dieu? Les murmures que c'est le ramassis a fait. Et c'est ça qui était grave. Les murmures, c'est pas sans conséquence. Vous savez, nous les croyants, on a tendance à dire, il y a des gros péchés, il y a des petits péchés. C'est pas biblique, ça, de penser comme ça. Un péché, c'est un péché, et ça a des conséquences tout le temps. Mais dans le corps de Christ, les murmures, c'est extrêmement important. Ce n'est pas négligeable. Ça détruit l'œuvre de Christ. Ça empêche, ça rend le corps dysfonctionnel. Prenez un exemple avec le corps humain. Parce que le corps humain, c'est l'exemple du corps de Christ. Quand le corps humain est victime d'une agression virale, bactérienne, peu importe. Le corps a des mécanismes naturels pour faire face à ça. Et ces mécanismes-là sont opposés à l'agression. Puis il va y avoir une bataille, puis peut-être que le corps va être pendant un certain temps même incapable de fonctionner. Il doit se battre à mort contre l'agression, contre l'agresseur. À mort. Celui qui, si c'est l'agresseur qui gagne, le corps est fait. Il peut même mourir dans certaines infections. Il faut que ça soit éliminé du corps. Il faut que l'agression, et l'agression ici, c'est les murmures qui détruisent l'œuvre de Christ. Indépendamment des personnes qui en sont les victimes. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on personnalise. Il faut que nous, en tant que corps, on apprenne à reconnaître ça. Et c'est là que ça touche notre situation actuelle. En Israël, ils ont pas fait ça. La Bible dit dans Hébreux, hein? Hébreu, Michel, tu vas m'aider. 12, quelque chose. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume qui pousse des rejetons vienne en infecter plusieurs. 12-15, OK? Mettez-les dans vos notes, 12-15. Je le lis dans mes notes, mais je ne les suis plus, là. Je suis obligé d'avancer. Veillez. C'est pas juste aux anciens à veiller. Vous savez, quand une agression frappe le corps humain, des fois, ma tête, ça prend bien du temps avant qu'elle sache que j'ai une infection. Des fois, j'ai des symptômes tout de suite, ça fait mal. En supposant que les anciens ne sont pas la tête de l'Église, c'est Christ qui est la tête de l'Église. Lui, il est conscient tout le temps. mais il va laisser le corps humain. Hein, Dieu a fait le corps humain pour que, à force de résister aux agressions, il se renforcisse. Mais des fois, ça prend de l'aide. Parce que l'agression est tellement forte que ça prend même le médecin. Puis aujourd'hui, on a des médicaments, des fois, qui nous aident. Mais de résister à des agresseurs, on se renforcit aussi. Fait que, à quelque part, tu peux pas toujours. Les rhumes, les grippes, il faut les combattre naturellement. Mais si pendant que j'ai une grippe solide, j'en ai eu une il n'y a pas tellement longtemps, vous le savez, puis je persiste à nier que j'ai une grippe, savez-vous ce qui peut arriver? Je peux en mourir. Si la tête ne fait pas face à l'agression, puis elle dit, garde là, faut que tu te reposes, tu prends ton temps, tu récupères, un peu comme notre frère Benoît, là, actuellement, il faut qu'il fasse ça. Hein, c'est vrai, Benoît? Ça pourrait virer en toutes sortes d'affaires, puis tu pourrais te retrouver dans une situation où tu perds même la vie. Est-ce que dans l'Église, on voit la rentrée des murmures comme étant quelque chose qui vient de l'ennemi? C'est pas les personnes sont des victimes. Maintenant. Le corps doit faire face à ça. Et comment ils vont faire face à ça? C'est pas juste les anciens. Les anciens, souvent, on est mis devant le fait accompli. C'est chacun individuellement qui entend une agression de cette nature-là doit agir comme un anticorps. Le corps, vous savez, il y a des millions de cellules, hein, puis il y a le mécanisme de défense qui est dans le sang, qui s'appelle les globules blancs, etc. Je connais pas beaucoup de choses en médecine. C'est pas mon domaine. Mais je sais que ça réagit à des agresseurs. Puis ça, souvent, ça m'envoie des signaux. Hein, y a-tu, là? Ça va pas bien ton affaire. Mais dans le corps de Christ, c'est la même chose. Apprenez à reconnaître l'agresseur. L'agresseur, c'est le diable. Il rentre par n'importe quelle manière. Et s'il infecte une partie du corps, peut être sûr d'une chose, le corps, comme le corps humain, va être arrêté, bloqué. Il ne pourra plus accomplir sa tâche. Quand vous êtes malade, vous avez une valeur, vous n'êtes plus capable d'accomplir votre tâche. Est-ce que la tâche que le Seigneur nous confie, on est capable de l'accomplir quand on est malade? Non. On fait semblant des fois, on joue aux croyants. Mais ça ne marche pas. Le Seigneur, ce n'est pas ça qu'il veut. Et je ne suis pas en train de vous chicaner, là. Je me parle autant à moi parce que bien souvent, j'en laisse passer. J'ai senti une racine d'amertume où je n'ai pas clarifié, puis c'est moi qui se retrouve avec l'amertume. Parce que quand vous ne l'adressez pas, ce que ça a comme impact, ça rentre dans votre esprit et ça reste là. Et à un moment donné, ça ressort d'une manière ou d'une autre. Et vous vous rendez compte, à un moment donné, vous allez dire des cochonneries à un frère ou à une sœur. Puis là, c'est venu comment, ça? Parce qu'il m'a plié juste sur un gros orteil, j'étais capable d'y pardonner avant. Comment ça, je suis plus capable aujourd'hui? Il faut, mes frères et sœurs, pour survivre dans le monde actuel, avec l'augmentation de l'iniquité qu'on vit autour de nous, qu'on apprenne de nos erreurs. Et nos erreurs, c'est pas qu'on encourage une quelconque murmure, soit contre l'autorité, soit contre les anciens, soit contre un frère, soit contre une sœur. Il faut qu'on apprenne à clarifier ces choses-là. Je n'ai pas suivi mes notes. N'inquiétez-vous pas pour ça, j'en avais juste deux pages, puis il y en avait trop. La parole de Dieu nous dit que ce qui est arrivé aux Israélites dans le désert à propos de la manne, puis à propos de bien d'autres choses, où ils ont murmuré contre l'Éternel, c'est là pour nous servir d'exemple. Pouvons-nous nous inspirer de ça? Si ça l'est arrivé à eux, est-ce que ça peut nous arriver à nous? Si la Bible a dit que c'est là pour nous servir d'exemple, c'est pour pas qu'on fasse comme eux. D'où l'importance qu'on se serre les coudes, qu'on dise, on est infecté, ça prend une médecine pour y arriver. La médecine est bien facile, hein. Je vais vous raconter mon expérience personnelle. Je l'ai déjà dit, mais je vais vous le répéter encore une fois. Depuis 1980, je connais le Seigneur. Dans la première année, j'avais à peu près jamais lu de livre, puis quand je suis devenu au Seigneur, j'ai lu la Bible, je sais pas combien de fois, dans la première année. Puis là, je suivais à peu près tous les cours qui pouvaient se donner à l'église où j'étais. C'était à l'église, à Québec. Puis je buvais littéralement les paroles de ceux qui m'enseignaient. Puis c'était principalement M. Gazic qui était le pasteur senior à ce moment-là, là-bas. Puis j'ai vraiment appris à le suivre. Mais après un an, j'ai entendu un murmure dans une conversation.